l'esprit des sorciers. Moi, tu les failles, hein, mec. Classique, vas-y. Ta clique ou bassine. Toi, t'es naze. La cible. Classique, vas-y. Ta clique ou bassine. Toi, t'es la cible, génial. Ça fait longtemps. La défense que tu peux pas cacher à tes parents. Là, je suis fatigué. Je veux pas qu'on part. J'ai les yeux fermés, mais j'entends encore mieux la prod que toi. Bâtard. Je dis autant de fois que je veux. Elle aime quand je tire ses cheveux. Mais soudain, j'ai pas la part. Soulagé par la paille, c'est le retour du lin. Mais soudain, j'ai pas la barre. Classique, vas-y. Ta clique nous bassine. La cible. Classique, vas-y. Ta clique nous bassine. Wow. La cible. Classique, vas-y. Ta clique nous bassine. Toi, t'es naze. La cible. Classique, vas-y. Ta clique nous bassine. Mais toi c'est comment? J'ai pas réfléchi, je suis descendu voir le concierge. J'y parlais comment je un tantinet, soit il a j'ai faim. Je vais passer commande, gamin. Je vais passer pour la démon, gamin. Je suis le guerrier toi Nala. Dis-moi, t'as fait la coupe à Adachiki. T'as vu la coupe à Adachiki. Moi tu me dis ça, moi je connais pas Copa. En plus de ça, font chier, ils pensent mon qui. Moi je suis un génie. Et je suis sans gêne. Je veux pas blaguer à propos d'enchaîner les termes génie. Je suis dans les plugins. Je prends pas de cachet. Quand je regarde ces chicots, c'est insulte. Je suis passé par MDK Sauce. On prend jusqu'à l'os. Classique, vas-y. Ta clique nous bassine. La cible. Classique, vas-y, ta clique nous bassine. Wow. La cible. Classique, vas-y, ta clique nous bassine. Toi t'es naze. La cible. Classique, vas-y, ta clique nous bassine. Wow. Tu connais ma gueule la question. C'est ça ta la gueule. Oh là là, j'suis trop faillé sous mes decks. Dans le jeu, j'suis le père des meilleurs. J'me sens comme Barbac et on domine. Si t'as plus de fond, c'est à cause de la maman de Pauline. Il faut palper le papier. T'as décidé de temps. J'suis pas parti cet été, mais j'trouve pas ta boule partie. T'entends, bien en hard de mille. Là, j'récupe des demi. Tu tapes des demi, t'es mine, fais pas la folle. Nina, ferme ta gueule, j'peux racheter du Louis Vuitton à cette salope, j'offre pas des fleurs. Viens dans mon lit, j'suis pas un flirt. J'en ai beaucoup sous mon temps, la boule te trouve la salope scare. La cible, classique, vas-y. Ta clique nous bassine. La cible, classique, vas-y. Ta clique nous bassine. Wow. La cible, classique, vas-y. Ta clique ou bassine. Toi t'es naze. La cible, classique, vas-y. Ta clique ou bassine.